Le peuple de l'abîme. Livre audio gratuit, un roman de Jack London. Traduit par Louis Postif et Paul Gruyer. Lu par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net sous licence creative.common. Les grands prêtres et les gouverneurs dirent alors: « Ô notre Seigneur et notre Maître, nous ne sommes pas coupables. Nous avons construit comme nos pères l'avaient fait avant nous. Regarde ton image, comme nous l'avons maintenue, souveraine et seule à travers tout notre pays. » Notre tâche est difficile avec l'épée et la flamme. Nous avons défendu ton sol et l'avons laissé inchangé. Et de nos houlettes acérées, nous avons conservé, comme tu nous l'avais confié, ton troupeau de moutons. Alors le Christ fait venir un ouvrier, un homme à l'air stupide, hagard et abruti, et une orpheline, dont les doigts décharnés avaient du mal à repousser la faute et le péché. Puis il les fit asseoir au milieu d'eux. Et comme ils rentraient, les parements de leurs beaux atours, par crainte de se salir, « Voilà, leur dit-il, l'image que vous avez faite de moi. » Jack Russell Lowell. Préface de Jack London. Les expériences que je relate dans ce volume me sont arrivées personnellement durant l'été 1902. Je suis descendu dans les bas-fonds londoniens avec le même état d'esprit que l'explorateur, bien décidé à ne croire que ce que je verrais par moi-même, plutôt que de m'en remettre au récit de ceux qui n'avaient pas été témoins des faits qu'ils rapportaient, et de ceux qui m'avaient précédé dans mes recherches. J'étais parti avec quelques idées très simples, qui m'ont permis de me faire une opinion. Tout ce qui améliore la vie, en renforçant sa santé morale et physique, est bon pour l'individu. Tout ce qui, au contraire, tend à la détruire, est mauvais. Le lecteur s'apercevra bien vite que c'est cette dernière catégorie, ce qui est mauvais, qui prédomine dans mon ouvrage. L'Angleterre était pourtant, au moment où j'ai écrit ces lignes, dans une période qu'il est convenu d'appeler le bon vieux temps. La faim et le manque de logement que j'ai pu constater sévissaient pourtant à l'état chronique, et la situation ne s'est nullement améliorée lorsque le pays est devenu très prospère. Un hiver extrêmement rigoureux fit suite à cet été 1902. Chaque jour, d'innombrables chômeurs se rassemblaient en procession. Il y en avait parfois une douzaine en même temps, qui défilaient dans les rues de Londres en réclamant du pain. M. Justin McCarthy, dans un article publié dans le New York indépendant, en janvier 1903, décrit ainsi brièvement la situation. Les asiles ne sont pas assez grands pour recevoir les foules de chômeurs qui viennent quotidiennement frapper à leurs portes et demandent qu'on leur donne un toit et de quoi se nourrir. Toutes les institutions charitables sont débordées. Elles ont épuisé leurs ressources en ravitaillant les habitants affamés des caves et des greniers des rues et des ruelles de Londres. Les succursales de l'armée du salut dans les différents quartiers sont assiégés par la horde des sans-emploi et des affamés, et n'ont même plus de quoi leur procurer le moindre abri, le moindre secours. On m'a reproché d'avoir brossé de Londres un tableau noirci à souhait. Je crois cependant avoir été assez indulgent. L'idée que j'ai de la société est moins axée sur les partis politiques que sur les individus qui composent cette société. Cette dernière est en perpétuelle évolution, tandis que les partis s'effritent et deviennent rapidement bons pour la poubelle. Tant que les hommes et les femmes de l'Angleterre feront preuve de cette bonne santé et de cette belle humeur qui les caractérise, l'avenir est pour eux, à mon avis, florissant et prospère. Mais la plupart des groupements politiques qui gèrent aussi mal les destinées de ce pays sont, et là aussi c'est mon opinion, destinés à la décharge publique. Signé Jack London, Piémont, Californie.